Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. C'est l'histoire d'un mur, d'une barrière qui traverse la ville, qui traverse un pays. Mais peut-être aussi le monde, c'est le mur de Berlin. C'est l'histoire d'hommes et de femmes séparés par des barbelés, par des miradors, par du béton et des soldats armés. Le mur de Berlin a été érigé en 1961 et pendant 28 ans, il est le symbole glaçant de la guerre froide. C'est par une folle nuit de 1989 que ce mur de la honte est tombé dans la liesse, voilà maintenant 30 ans. Mais les traces que le mur de Berlin laisse dans la ville et sans doute dans les idées nous rappellent que nous sommes aujourd'hui encore face au mur. Et pour nous parler aujourd'hui de ce qu'il reste du mur de Berlin, nous recevons Emilia Robin. Bonsoir Emilia Robin. Bonjour. Bonjour, historienne, chercheur associée à l'URM CIRIS, laboratoire en histoire des relations internationales contemporaines et des mondes étrangers, Université Paris 1, Paris 4 et CNRS, de belles institutions. Vous êtes l'auteur de l'URSS et l'Europe de 1941 à 1957. Et nous recevons également Alexandre Adler. Bonjour Alexandre Adler. Bonjour. Vous êtes avec nous, formidable historien et journaliste, une voix bien connue de France Culture. Vous êtes l'auteur, il y a quelques années, entre autres, de Berlin, 9 novembre 1989, La Chute. Et avec vous, nous allons parler de ce que fut et de ce qu'il reste du mur de Berlin. Et pour commencer, nous partons dans cette folle soirée du 9 novembre 1989. Bonsoir, historique, l'Allemagne de l'Est annonce ce soir l'ouverture totale de ses frontières pour les candidats à l'émigration avec la RFA et Berlin-Ouest, tant pour les candidats à l'exil que pour les voyages privés. La mesure est effective immédiatement. L'un des membres du nouveau bureau politique vient de l'annoncer. En clair, Fabrice Lequintrec, c'est la fin du mur de Berlin qui est annoncée ce soir. Je vous lis le communiqué officiel du gouvernement est-allemand. La police a reçu instruction de délivrer immédiatement des visas pour des départs définitifs. Il ne sera plus nécessaire de réunir les conditions qui étaient exigées jusqu'à présent. Les départs définitifs d'Allemagne de l'Est pourront se faire par tous les postes frontaliers entre la RDA et la RFA ou bien entre la RDA et le secteur occidental de Berlin. La nouvelle a été rendue publique il y a une heure. Une nouvelle loi sur les déplacements à l'étranger va être préparée par les autorités de République démocratique allemande. Mais en attendant ce nouveau texte, c'est cette réglementation très libérale qui va s'appliquer aussi bien donc pour les voyages que pour les demandes d'émigration. 1989, le 9 novembre à 20h. L'heure est importante, le journaliste sait que le mur de Berlin est ouvert, il ne sait pas encore, nous sommes en début de soirée, que la foule se masse vers ce mur. 1989, ce 9 novembre, Alexandre Adler, quel est le moment qui fait que la population qui apprend que les autorités autorisent maintenant le passage à travers ce mur, symbole du monde divisé en deux entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Est, quel est le moment, l'événement qui va provoquer un déplacement de population vers le mur? Mais c'est l'effondrement de la police politique est-allemande qui n'a plus même désormais d'ordre de canaliser la population. Et comme entre-temps, Le BND, les services secrets ouest-allemands, sont très présents à Berlin, bien sûr, et qu'ils ont multiplié les mots d'ordre en proposant des gestes symboliques, et que là, il n'y a plus d'opposition, et bien tout d'un coup, la marée humaine est en train d'entraîner de manière complètement imprévue une population qui est en fait celle de toute la ville de Berlin, plutôt de Berlin-Est d'ailleurs, et qui est en train de se rendre et de forcer la porte, tout simplement, de Berlin-Ouest. Et à partir de là, eh bien, quelque chose d'irréversible est en train de se produire et qui rend le monde complètement surréaliste en l'espace de quelques heures. Émilia Robin, c'était envisageable, la chute du mur, l'ouverture en novembre 1989, notamment du point de vue de l'URSS que vous avez étudié. Est-ce qu'ils avaient pu imaginer que cet événement allait se produire ? Alors, le mur a tellement été présent pendant des décennies et incarne tellement la guerre froide que c'est un symbole absolument énorme. Cela étant, depuis l'arrivée de Gorbatchev en 85 et encore plus depuis le printemps 88, quand l'URSS annonce la fin de la doctrine Brejnev, c'est-à-dire la fin d'une intervention soviétique pour maintenir par la force des régimes communistes s'ils étaient déstabilisés à l'Est, à partir de là, les régimes d'Europe de l'Est sont libres de leur évolution. Et pendant l'été, quand on a vu des Allemands fuir de plus en plus à travers la Hongrie et la Tchécoslovaquie vers l'Autriche pour rejoindre la RFA, il y a eu environ 500 000 d'Allemands de l'Est qui sont passés à l'Ouest par cette filière dans l'année 89. À partir de là, quelque chose... Le mouvement semble inéluctable. De là à imaginer que la pression pacifique d'une foule rassemblée devant les postes frontières ou les gardes frontières n'ayant pas d'ordre ni de consigne là-dessus, on laissait faire parce que la pression était énorme. De là à imaginer que une simple manifestation, une simple pression populaire pourrait renverser symboliquement et physiquement le mur, ça je pense c'était inimaginable. C'était inimaginable et on comprend bien que depuis que la frontière entre la Hongrie et l'Autriche est ouverte, les Allemands de l'Est peuvent trouver un moyen de partir et que le mur n'a plus d'utilité. Les autorités est-allemandes décident d'ouvrir, mais elles ne prévoient pas ce flot de population. Et Alexandre Adler, on peut dire que c'est presque une erreur lors d'une conférence de presse du 9 novembre d'un membre dirigeant du Politburo, un porte-parole du Parti communiste est-allemand, le SED. C'est Günther Schabowski qui a une réponse d'un journaliste. Dit, ça y est, les portes sont ouvertes. Bon, alors, d'abord, Schabowski est un personnage très intéressant. Son nom, évidemment, est tchécoslave, on peut dire, mais il est tout à fait allemand. Hein. En tout cas, c'est un citoyen de l'Allemagne de l'Est et c'est un membre de la direction du parti est-allemand. Mais en fait, derrière cela, tout est faux. Schabowski est marié à une citoyenne soviétique et lui-même se pense très facilement comme un agent du KGB et non pas de la Stasi. Et il est un homme en fait déjà très très très dirigé par Moscou. Donc les décisions que prend Schabowski sont souvent inspirées directement, non pas par l'ambassade, non pas par la direction, ce qu'il en reste de l'Allemagne de l'Est, mais tout simplement par l'ambassade russe, c'est-à-dire par Berlin-Est, et par l'ambassadeur, qui lui-même est un adversaire résolu de tout ce qui se passe en Allemagne de l'Est et qui souhaite la chute du régime est-allemand. Et bien entendu, Schabowski est à peu près dans les mêmes positions, c'est-à-dire qu'il ne va pas aider ses camarades en choisissant une vision maximaliste pour en finir. Ça, c'est la journée même et l'ambiguïté de ces déclarations qui vont évidemment servir, mais pas de façon totalement à la suite d'une gaffe, mais d'une volonté délibérée d'aggraver la situation immédiate pour en finir vite avec le régime est-allemand. Pourquoi veut-on en finir avec le régime est-allemand ? Parce que ce qui s'est passé à Tiananmen, juste à ce moment-là, a provoqué un sentiment de panique générale dans la direction soviétique. Jusque-là, en effet, il y avait une ligne consistant à laisser les choses se passer en Allemagne de l'Est le plus tranquillement possible. Gorbatchev avait répondu la phrase particulièrement stupide concernant l'Allemagne de l'Est en disant « Davai, davai, rabotai ». En avant au travail, l'Allemagne de l'Est est solide, l'Allemagne de l'Est ne nous causera pas de problème. Pour l'instant, laissons faire les choses. Et ce laissons faire les choses a été évidemment une erreur lamentable, car il fallait faire bien avant pour bien sûr créer les conditions d'une transition. Et ça, c'est ce que voulait Andropov autrefois, mais dont Yakovlev, l'âme damnée de Gorbatchev, ne voulait en aucun cas. Pour lui, il fallait d'abord et avant tout créer un rapport d'entente avec les États-Unis, et le reste viendrait par la suite. Alexandre Adler. Oui, Alexandre Adler, on entend bien. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il y avait un plan, disons-le, de l'URSS. Vous citez Andropov qui dirige au début des années 1980 l'URSS. C'est un plan de déstabiliser très complètement l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest et de créer les conditions d'une réunification, mais dans des conditions optimales pour l'Union soviétique. C'était évidemment tout à fait erroné de penser comme cela. Et de jouer en fait la fin du régime que encore l'Allemagne de l'Ouest était en train de connaître dans des conditions de plus en plus difficiles. Et donc c'est là où bien entendu Andropov s'est trompé juste à la fin de sa vie, mais la suite a été pire, c'est-à-dire que tout de suite après, Yakovlev, l'inspirateur de la politique de Gorbatchev, a choisi de laisser les choses en plan et de stabiliser l'Allemagne de l'Est, quoi qu'il arrive. Alexandre, le résultat ne s'est pas fait attendre. Oui, parce qu'on comprend bien qu'il y a une tension entre les relations URSS-RDA, elle est complexe, et justement, pour bien comprendre cet événement du 9 novembre 1989, la chute du mur, qui est un événement inattendu, soudain, populaire d'ailleurs, parce que la foule se masse, il faut regarder sans doute sur le temps long pour voir ces relations RDA-URSS. Ces relations sur le temps long commencent en 1961 quand le mur est construit. Berlin, que partageait une ligne officielle mais idéale, vient de voir tomber entre ces deux zones le rideau de fer. Ce matin-là, Berlin s'est éveillé au bruit des marteaux-piqueurs qui trouaient l'asphalte. Dans la nuit, le gouvernement de Pankow, pour enrayer l'hémorragie des populations vers l'Allemagne de l'Ouest, qui, en 10 ans, lui avait enlevé 2 millions d'hommes, avait décrété la fermeture des communications entre les deux zones. Et sur 40 kilomètres de longueur, ces 40 kilomètres par lesquels on pouvait encore choisir la liberté, la barrière s'établissait. Rue barrée, pont barré, métro arrêté. Il ne restait sur ces 40 kilomètres que 18 points de passage où le contrôle était sévère. L'Allemagne de l'Est se cadenassait. Emilia Robin, en 1961, le mur est construit. On comprend pourquoi le mur est construit. C'est pour cesser la fuite des Allemands de l'Est qui passent à l'Ouest. Il faut rappeler juste la situation particulière de Berlin. C'est-à-dire que Berlin est enclavé à l'intérieur du bloc de l'Est, de la RDA. Exactement. Et en fait, ça date de 1945, de la capitulation du Reich, où, et des accords de Yalta et surtout de Potsdam, qui décident l'occupation A4 de l'Allemagne dans des frontières réduites, avec la ligne Oder-Neisse, etc., avec 3 zones occidentales, France, Grande-Bretagne, États-Unis à l'Ouest, et une zone soviétique. Et la ville de Berlin est au milieu de la zone soviétique, elle-même est repartagée en 4 avec une zone soviétique et 3 zones françaises, britanniques et américaines. Et donc il y a cette espèce d'île occidentale en plein milieu de Berlin qui demande une gestion à quatre en s'entendant sur les problèmes très matériels, qui sera l'objet d'une première crise en 1948 avec le blocus de Berlin à la suite d'une réforme économique à l'ouest qui doit être introduite dans les zones occidentales de Berlin. Blocus qui va durer de juin 1948 à mai 1949, autrement dit 11 mois de crise avec le fameux pont aérien, etc. Donc, et qui prouve que les Occidentaux ne vont pas lâcher leur secteur à Berlin. Et ensuite, le problème de ce Berlin, les deux États allemands sont proclamés au cours de l'année 49, et le problème de cette enclave en plein milieu du territoire est-allemand va rester posé, parce qu'il y a des problèmes très matériels de circulation, de réseau, de personnes, de travailleurs, mais également évidemment de sécurité. Sécurité et de questions militaires. Et en 58, Khrouchtchev pose un ultimatum aux Occidentaux, fixant quelques mois pour évacuer les secteurs occidentaux de Berlin. Sinon, si l'ultimatum expire sans que les Occidentaux aient cédé, l'URSS laissera la question à la RDA. Or, la RDA n'est pas reconnue par les Occidentaux. Donc, on se retrouvera dans une situation instable où les droits hérités des accords de Yalta et de Potsdam ne seraient plus gérés à quatre. Et donc, c'est une vraie crise qui, dans les années 60-61, entraîne des mouvements de troupes. Et la construction de murs de Berlin a comme raison immédiate d'enrayer effectivement cette fuite des Allemands de l'Est. En particulier, alors, le documentaire mentionnait 2 millions d'hommes, c'est 2,7 millions, 2,9 millions. Il y a souvent des femmes aussi dedans. Mais en tout cas, c'est la génération jeune. C'est les jeunes qui sont formés, qui sont éduqués, qu'ils soient hommes ou femmes, qui sont les cadres. Et, et également les futurs parents de la génération de jeunes est-allemands. Donc, c'est pour la RDA, c'était inacceptable. Et donc, ce mur est construit pour physiquement empêcher le passage. Par ailleurs, la construction du mur, stabilisant la situation, met fin à cette crise de Berlin de 58-61. Donc c'est une crise assez paradoxale. Ça peut expliquer également la faiblesse de la réaction des Occidentaux, parce qu'ils condamnent la construction, ils déplorent, etc. Mais il n'y a pas d'action entreprise sur le terrain, évidemment, parce que c'est une poudrière. Il y aura des chars qui se resteront face à face plusieurs heures, à l'est et à l'ouest. La crise sera dénouée. Mais bon, les choses vont rester figées. Il y aura en 71, dans le cadre de l'Ostpolitik, un accord pour normaliser les relations, pour éviter qu'un incident local, un char en panne, une arme qui se décharge par erreur, n'aboutisse à une troisième guerre mondiale. Mais on va rester figé jusqu'en 89. Jusqu'en 89. Alexandre Adler, vous êtes témoin aussi de cette période-là. Vous avez suivi pour les journaux tout ce qu'il se passait à Berlin. Il est comment, ce mur, concrètement? Ça ressemble à quoi, ce mur de Berlin? Ben, de moins en moins, ça ressemble à ce que l'on connaissait, c'est-à-dire que, bien entendu, les retraités peuvent quitter à peu près dans des conditions acceptables le territoire est-allemand, à condition de revenir, de laisser en otage une partie de leur famille, mais c'est une amélioration très grande. Petit à petit, malgré tout, l'inventivité humaine, qui comporte aussi les évasions absolument rocambolesques, a un peu atténué toute cette réalité, de même que, bien entendu, l'existence du centre de Berlin-Est, qui est très prisé par tous les militaires français, anglais et américains qui ont le droit de se promener dans Berlin-Est, rend plus banal, au fond, la présence de cette Allemagne de l'Est. Donc, bien sûr, il y a une violence latente, il y a de temps en temps des tensions, mais il y a aussi une atténuation progressive des choses qui s'accompagne bien sûr de la reconnaissance de l'Allemagne de l'Est comme État souverain. Bref, nous arrivons à une situation de transition. Et dans cette transition, bien sûr aussi, l'évolution de l'Union soviétique rentre comme une composante. Il est évident que les Russes eux-mêmes commencent à se poser des questions très sérieuses sur ce que sera l'avenir de cette division, à laquelle eux-mêmes ne croient pas. Mais comment en sortir? Et c'est là qu'un certain nombre de plans sont échafaudés, dont certains qui expriment profondément le romantisme et un peu le délire politique. C'est la fin du régime d'Andropov, qui lui-même se sent mourir et voudrait laisser une situation claire. Il voudrait évidemment que le régime de Helmut Schmidt disparaisse à son tour dans une espèce de crise générale, mais au profit de l'Allemagne, d'une Allemagne de l'Est rénovée, dont ensuite la Russie sera jouée comme un pion pour créer une confédération allemande, mais une confédération allemande qu'elle dominera. C'est une vision, bien entendu, complètement délirante des événements, et qui va être sèchement démenti par la victoire de Helmut Kohl, qui n'était pas attendu à ce moment-là, mais on attendait au contraire une espèce de grand mouvement pacifiste organisé par l'Allemagne de l'Est. Rien de tel ne se produit, et à partir de là, ben, il va falloir voir avec les choses de manière plus raisonnable. Et celui qui montre son génie politique comme d'habitude, c'est François Mitterrand, qui ne croit absolument pas que Helmut Schmidt va encore réussir à jouer et à maintenir son pouvoir, que Kohl va gagner, et qu'à partir de là, ce sera son interlocuteur. C'est la raison pour laquelle il pousse son parrain Hubert Védrine, qui est aussi son proche collaborateur, à trouver cette expression extraordinaire. Les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. D'accord. Il n'y a pas de désarmement. Il n'y a pas de désarmement. François Mitterrand a désavoué Roland Dumas, qui lui jouait à fond cette politique pacifiste, enfin du moins l'a laissé en position seconde, pour lui choisir Kohl. Et ce choix de Kohl va être décisif pour François Mitterrand. Cela lui permet de devenir l'interlocuteur privilégié de cette nouvelle Allemagne qu'on n'attendait pas. Mais Alexandre Adler, donc on comprend bien cette politique, ce plan qui est construit. Mais je voudrais avoir votre avis, à vous, Emilia Robin. Est-ce que vous considérez que la chute du mur, la réunification qui s'annonce, tout ça est quelque chose de construit déjà par les autorités de l'URSS, éventuellement par des membres du parti communiste est-allemand, ou alors ont-ils été plutôt dépassés par les événements ? Alors, l'URSS, c'est un mot unique pour désigner beaucoup de tendances à l'époque. L'URSS, c'est le parti, ce sont les services secrets, ce sont et au sein du parti ou du politburo, il y a différentes tendances entre les conservateurs qui ne voudraient rien lâcher, entre ceux qui voudraient, pour ainsi dire, renoncer au communisme en URSS, ou en tout cas le réformer de manière irréversible, et puis des positions modérées. Et Gorbatchev doit arbitrer entre ces différentes tendances. La question de la réunification allemande, elle s'est posée en fait, mais dès le début, dès qu'on a créé deux États allemands en 49, dès le début, on s'est demandé, mais on pensait que c'était provisoire, on s'est demandé comment le réunifier, et progressivement les termes de la question se sont clarifiés. Les Occidentaux acceptaient une réunification à condition qu'elle se fasse en lien avec eux, les responsabilités des quatre occupants, qu'elle se fasse sur une base de consultation du peuple allemand, ce sera 4 points adoptés par l'OTAN en décembre 89, qu'elle se fasse donc sur une base démocratique dans le cadre de dans le cadre également de la CSE, donc de la coopération sécurité en Europe, qui avec les accords d'Helsinki en 75, donc quelque chose de concerté et de librement déterminé. Les soviétiques avait effectivement, depuis les années 50, l'idée que peut-être il pourrait y avoir une réunification, mais sous une forme confédérale, effectivement, où l'acquis socialiste serait préservé, même si politiquement, on aurait des institutions plus à l'occidental. Donc, on aurait une social-démocratie très avancée. Et certains, en Allemagne même, en Allemagne occidentale, imaginent que cette solution d'un pôle socialiste avancé, mais moderne et non dictatorial en Europe, pourrait être une solution ou une voie. Donc, oui, ce sont l'expérience a montré que ça ne s'est pas réalisé comme cela, que le rejet massif du système communiste était tel et l'effondrement économique de la RDA était tel que la réunification au profit de l'Allemagne de l'Ouest serait s'avérait inévitable, mais plusieurs plans auraient été envisageables. Peut-être sans cette urgence des peuples dans cette année 89. L'urgence des peuples dans cette année 89, nous parlons de Berlin, nous regardons l'Allemagne. Nous sommes à la fin de l'année 1989, en novembre, mais l'urgence des peuples peut se regarder dans le monde entier parce que en avril, il y a également un mouvement des peuples, mais lui qui a lieu en Chine. Pékin, ce matin, près de la place Tiananmen, un étudiant fait face seul à une colonne blindée. Il crie aux militaires, retournez dans vos casernes. Le char tente alors de contourner le jeune homme, mais le char ne tire pas et ne cherche pas à l'écraser. Le face-à-face dure plusieurs minutes. L'étudiant décide d'aller plus loin, il monte sur le char et frappe à la tourelle. Le jeune chinois veut rétablir le dialogue, mais en vain. Emilia Robin, est-ce que le soulèvement à Tiananmen en avril et juin 1989 a une incidence ? Est-ce que c'est un élément qui permet d'expliquer ce qui se passe quelques mois plus tard en Allemagne de l'Est ? Dure question. C'est une dure question parce qu'il faudrait savoir dans quelle mesure l'Europe de l'Est a été informée de ce qui se passait en Chine. Dans quelle mesure cette image a pu passer le mur ? Sans doute, mais dans quelle mesure et par qui a-t-elle été vue, comment a-t-elle été perçue, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait mesurer. En tout cas, ça a extrêmement frappé Gorbatchev qui se rend en Chine au mois de juin, de constater la répression des manifestations chinoises du printemps. Et plus largement, effectivement, il y a le cas de la Chine, mais à l'échelle européenne, on a parlé que de la RDA, mais l'Europe est en transformation incroyable. Il y a eu des élections libres en Pologne au printemps, avec Solidarité qui arrive en tête. Il y a eu des élections, une transition démocratique en Hongrie commence en 88, avec à l'été 89... l'entrée des libéraux au gouvernement est donc une transition également progressive. Il se trouve que le lendemain de la chute du mur de Berlin, probablement sans lien direct, Jivkov, le dirigeant bulgare qui était en place depuis 54, pardon, est renversé, remplacé. La Roumanie, on le verra avec Ceausescu, qui sera renversé émeute, coup d'État, les choses resteraient encore à approfondir en décembre. Des manifestations en novembre, bon, donc postérieures au mur de Berlin, à la suite du mur renversé, c'est la révolution de velours en Tchécoslovaquie. Et même du côté de la RDA, on parle du mur, mais on oublie que le mois précédent, Honecker a été remplacé par Egon Krenz, et que donc la vieille garde en place depuis les années 70 est remplacée, et que donc c'est un mouvement progressif. Il y a ces grandes manifestations, les manifestations pour la paix, les marches du lundi depuis le mois de septembre. Donc il y a une mobilisation. La chute du mur de Berlin, c'est un point d'apogée d'une mobilisation qui est croissante depuis plusieurs mois et qui est une ébullition qui est croissante depuis plusieurs mois, voire plusieurs années dans l'Europe de l'Est dans son ensemble. Ce qui est intéressant pour cette année 1989, c'est qu'il y a un fourmillement d'idées autour de la notion de peuple qui se soulève, de révolution, et d'ailleurs chez nous aussi en France, nous en parlons beaucoup. Et là, l'histoire des idées est intéressante pour l'année 1989 parce que nous fêtons à ce moment-là la Révolution française, le bicentenaire de la Révolution française, où les déçus du communiste apportent leurs idées, et notamment, alors je ne vais pas dire que c'est un grand penseur, mais en tout cas, c'est de la culture populaire et ça touche tout le monde, une critique de l'année 1989 du bicentenaire par Jean Ferrat. Deux siècles après 89, il fallait oser l'inventer à la télé. On fait du neuf en acquittant la royauté. Deux siècles après 89, notre seigneur veille au grain. Et toi qui vivais comme un bœuf, ce sont tes maîtres que l'on plaint. À six pieds sous terre, ton bicentenaire, ils l'ont enterré bel et bien, pauvre Martin. Pauvre misère, c'est toujours le peuple qu'on craint. Pauvre Martin, pauvre misère, c'est toujours le peuple qu'on craint. Alors en 1989, certains, comme Jean Ferrat, déçus du communisme, notent que le bicentenaire pointe plutôt les nobles persécutés que le peuple. Mais dans la réflexion sur la Révolution française, François Furet développe également à ce moment-là des idées qui font parler. C'est-à-dire que la Révolution française ne serait pas le prémisse de ce qu'est la Révolution russe de 1917, mais qu'elle appellerait plutôt le stalinisme, que la terreur de 1793 serait un écho au stalinisme. Est-ce que tous ces mouvements de pensée, ces mouvements populaires dans toute l'Europe, voire jusqu'en Chine, ont un effet sur les idées à ce moment-là, en 1989, sur ce que les historiens ou les penseurs analysent des mouvements des peuples, Émilia Robin? C'est une question très large qui mériterait probablement des thèses entières. C'est difficile à dire parce que effectivement, le bicentenaire de la Révolution française en France est fêté sous une forme, commémoré sous une forme assez festive, mais avec des couflets, des défilés, etc. Donc il y a une sorte de, on inaugure des squares des droits de l'homme également. Il y a aussi cette redécouverte un peu événementielle. Et puis il y a aussi une dimension de surmonter une mémoire conflictuelle, et à la manière dont on évoque les différentes situations, l'ensemble des facteurs qui ont pu jouer en 1789 sans le faire sous une forme nécessairement partisane, en essayant de le regarder justement avec le recul en tant qu'historien. Ce qui se passe en Europe de l'Est ou en Chine est une manifestation d'un mouvement éternel, de ceux qui demandent la justice ou un niveau de vie ou de la liberté. Et donc, de ce point de vue-là, les aspirations sont éternellement les mêmes, mais les modèles politiques ne sont pas nécessairement les mêmes. Et calquer le modèle 1789 sur le modèle 1989, c'est supposer que les conditions étaient identiques. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, il peut y avoir une pensée transversale sur la notion de révolution, sur la notion de peuple, sur la gestion des révolutions, sur la prise en compte de la demande démocratique, sur l'importance du facteur économique, etc. De là à faire des parallèles, ensuite on est dans l'histoire des idées, c'est autre chose. On est dans l'histoire des idées. Alexandre Adlerescu, vous pensez que l'année 89, avec tous les événements et toute la pensée autour de ce qu'est un peuple qui se soulève, est une rupture dans l'univers des historiens, des penseurs, sur justement ces questions de révolution? Bon, la rupture, elle est là parce qu'on a bien compris que finalement l'expérience communiste est arrivée à sa fin et qu'on va essayer de lui trouver une autre solution. Une autre solution qui n'a rien à voir avec le passé. Et bien entendu, cette autre solution, les gens ne la comprennent pas parce que tout ça s'est passé de manière souterraine. Mais là, je suis un témoin direct car je suis devenu l'ami intime et dans ces dernières années, un peu le confident de Marcus Wolf, qui est un des artisans de cette situation. Oui, qui dirigeait les services secrets du Parti communiste, enfin, en RDR. Alors, soyons bien précis, c'est assez compliqué. Marcus Wolf, en fait, est à la fois un homme qui a dirigé l'activité clandestine des services est-allemands avant même que l'Allemagne de l'Est n'existe et quand il n'était encore qu'une section du KGB. Et puis, bien sûr, petit à petit, il est devenu, mais on n'a pas pu faire autrement, le numéro un des services secrets d'Allemagne de l'Est, ouvertement. Mais il a dû partager d'emblée le pouvoir avec un personnage très profondément déplaisant qui s'appelle Milke, qui avait une activité qui remonte à la guerre d'Espagne et qui a toujours été un stalinien qui ne supportait pas l'ascendant de Marcus Wolf. Et donc cette hiérarchie typique de l'Union soviétique, parce qu'après la mort de Staline, il n'y aura plus jamais de numéro un qui peut imposer sa vision. Il y a toujours une concertation, des changements, des retournements. Et dans ces retournements, et bien entendu, Marcus Wolf a toujours été un acteur absolument important. Il était très proche de Yuri Andropov, c'est un fait, mais Yuri Andropov ne le supportait pas de temps en temps. Ils ont eu des algarades, des discussions, parce que notamment les Allemands de l'Est était favorable à maintenir des bons rapports avec la Chine, ce qui mettait Andropov absolument hors de lui. Donc ils ont eu des explications là-dessus. Mais finalement, bien entendu, il est évident que le fils spirituel d'Andropov à Berlin-Est, c'était bien sûr Marcus Wolf, et que Marcus Wolf avait une importance très grande. Or, Marcus Wolf et Andropov se sont mis d'accord à la fin de la vie d'Andropov, pour essayer de déstabiliser en profondeur toute la structure de l'Allemagne de l'Ouest. Mais bien entendu, ce faisant, ils avaient aussi en idée de déstabiliser l'Allemagne de l'Est à son tour, pour créer une situation nouvelle, que vous décrivez d'ailleurs parfaitement. Et c'est en effet ce pont trop loin que Andropov va essayer encore une fois, en créant une peur de confrontation nucléaire en Europe de l'Ouest qui est totalement mythique et qui va s'effondrer juste à sa mort. Et là, effectivement, commence pour Marcus Wolf une situation plus difficile. Il a perdu Andropov, il a perdu un certain nombre d'appuis en Allemagne de l'Est, il a quand même toujours derrière lui l'Union soviétique, mais ce n'est plus tout à fait la même chose. Et du coup, il est amené donc d'abord à fuir en Union soviétique, puis ensuite il est expulsé, il craint l'arrestation et les questions, finalement il est libéré. Et je le retrouve à ce moment-là, il vient d'être libéré dans sa datcha, comme on l'appelle, la datche, qui se trouve exactement à mi-chemin entre la frontière polonaise et Berlin-Est. Et c'est là qu'il est en train de réfléchir à ce qui est son coup suivant. Comment il va maintenant refaire le monde. Et la rencontre que nous avons va être très importante pour lui et pour moi. Parce que... Eh bien, parce qu'on arrive à se parler très franchement. Sur son rôle, parce qu'on comprend bien, Alexandre Adler, l'importance que vous donnez aux acteurs dans ces événements, alors que c'est vrai qu'il y a toute cette réflexion sur les peuples en mouvement. Nous allons prendre notre discussion juste après. Et justement, pour revenir précisément au mur et à l'esthétique du mur, nous allons parler avec Elisa Ganivet. Et avant cela, laissons s'envoler quelques ballons. C'était en 1983 avec Nina. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont? Denkst du vielleicht gerade an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons, dass sowas von sowas kommt? Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. C'était Nena et ses 99 ballons qui s'envolent dans le cours de l'histoire aujourd'hui. Une émission mise en onde par Perret Legras et Thomas Jost avec, aujourd'hui à la technique, Olivier Arnay. En 2014 paraissait un étrange ouvrage intitulé « Le jour où le mur de Berlin n'est pas tombé ». Et oui, un ouvrage d'Uchronie où 60 auteurs artistes imaginent un mur dans lequel... Un monde dans lequel le mur n'est pas tombé, oui, il est toujours là. C'est l'occasion pour Charles Mordac de signer un texte où il se met dans la posture d'un avocat qui plaide la cause du mur. Et ce texte nous est lu aujourd'hui par Daniel Königsberg. Monsieur l'avocat, c'est à vous. Ce mur est la honte esthétique du monde occidental, a osé déclarer l'avocat général. Mais qu'est-ce à dire ? J'ai là un sondage effectué auprès de mes cousins, et stipulant très clairement que le mur de Berlin est une véritable référence en matière d'art moderne, pour preuve de son statut. Les magnifiques œuvres qui le couvrent, le MoMA, à New York, a même souhaité ériger un mur en son honneur. Mais la police de la pensée l'a censuré. N'est-ce pas là le signe qu'il est le support de nos valeurs démocratiques, qu'il n'érige pas une frontière mais protège nos droits les plus fondamentaux de la dictature des pays de l'Ouest. Observez-le bien. Tous ces graffitis inscrits sur son corps sont autant d'hymnes à sa gloire. Coupable le mur ? Non. Victime de son succès, sans aucun doute. Le jour où les Allemands ont appris qu'il n'y avait plus d'espace disponible sur le mur pour manifester leur créativité, ils ont pris peur. J'ai même vu certains qui pleuraient. C'est dire. Ils pleuraient sur ce bienfaiteur, sur le support de nos vies. Les gens que vous avez vus se battre devant le mur en 1989 avec des masses, des pelles et des maillets, ne vous méprenez pas sur leurs intentions. Ils venaient se sacrifier pour les murs. Ils étaient là, car chaque parcelle de béton raconte une histoire, leur histoire. Oui, ils se sont battus au pied de cette relique et ils étaient heureux, vous pouvez en être sûr, heureux de se fracasser contre ces façades. Je tiens ces informations de correspondance, de lettres et de manifestes soigneusement dissimulés dans les archives du Centre culturel et historique de Berlin. Et aujourd'hui, vous souhaitez le condamner comme on condamnerait son propre père. Mesdames et messieurs du jury, allez-vous encourager la plus grande méprise du sens de l'histoire? Souhaitez-vous en être complice? Car bien plus qu'un symbole de notre démocratie, le mur est aussi le garde-fou des falsifications historiques, le témoin des luttes berlinoises et une part indiscutable de notre patrimoine. Maître Königsberg, merci beaucoup pour ce plaidoyer pour le mur. Elisa Ganivet, vous êtes avec nous ce matin, docteur en philosophie, historienne de l'art, et vous avez écrit « Esthétique du mur géopolitique ». Vaste programme, vous vous intéressez à plusieurs murs, dont le mur de Berlin. Quelle était votre démarche en vous intéressant à un mur? Comment vous avez procédé? En fait, j'étais partie du constat, donc c'était en 2009, le simple constat que comment se faisait-il que dans ce monde dit mondialisé, on construisait de plus en plus de murs. Donc j'avais pris comme référence, et je savais que c'était une comparaison très forcée, puisque les caractéristiques des nouveaux murs sont très différents, Berlin. Comme possible assise et possible métaphore, et aujourd'hui on voit ce qui se passe. Ce mur est un support tout évident. Il n'y a pas besoin de développer l'utilité du mur, on voit pourquoi est fait un mur, mais ce mur est aussi un support d'expression pour vous. Oui, alors justement dans le texte qu'on vient d'entendre, on parle du mur, de ses graffitis, etc. Il faut bien remettre en contexte, c'était un petit peu tardif, hein, à partir de 1985 à peu près, où les graffeurs ont commencé à investir ce mur. Voilà, surtout donc des artistes allemands, mais aussi français. On pense évidemment à Thierry Noir avec ses têtes colorées. Évidemment, le mur, il y en avait deux de toute façon, et c'était chasse gardée. Normalement, on pouvait pas s'approcher du mur. Il était protégé par les gardes frontières. Oui, il y a deux murs, un côté à l'ouest, un côté à l'est, et puis entre les deux, une zone d'action. Et mais ces murs sont-ils différents en fait, entre le mur de l'ouest et le mur de l'est, dans l'action que proposent les artistes en expression? Ah oui, tout à fait. Alors, en RDA, bon, alors on a cette conviction de faire un art politique qui sert l'idéologie, etc. Donc il fallait vraiment que cet art serve l'idéologie. Alors ce qui est d'intéressant dans ce mur, c'est ce que vont en faire les artistes, c'est-à-dire une forme de contournement, de détournement, de transgression. Et en RDA, ça pourrait se synthétiser par le mail art, par exemple l'art postal, avec comme précurseur Robert Hertfeld, qui échangera avec Joseph Beuys, avec Wolf Hostel, Clément Tepadine, etc. Donc voilà, ça c'est une forme de détournement, ce qui est actuellement aussi possible avec les autres murs, ou tout ce qui est le sentiment du passage, des tunnels, c'est quelque chose qui est visible aussi en esthétique, par exemple. Parce que ce mur est un support de création, mais il inspire également. J'aime beaucoup une performance, Sweet Wall, que vous racontez dans votre ouvrage. Vous pouvez nous la raconter, c'est en 1970 par Alan Kaprow. Voilà, alors Alan Kaprow, donc en 1970, est invité par son galeriste René Bloch à réaliser une installation. Et il va s'installer à un endroit assez stratégique, c'était là où avait été torturée la féministe Rosa Luxembourg. Et juste la veille, un citoyen de la RDA avait été tué. Donc le terrain était déjà un peu miné, mais Alain Kaprow arrive avec ses collaborateurs et René Bloch, et ils installent un mur, donc des parpaings, hein, des parpaings avec comme mortier des tranches de pain et de la confiture tartinée de fraises, enfin de la confiture de fraises. Et donc là, la performance a été très difficile pour eux et ils ont dû convaincre les gardes frontières qu'il s'agissait d'une installation, d'une œuvre d'art qui n'avait absolument rien à voir avec une dénonciation ou quoi. Oui, ça s'est pas si bien passé que ça, ce Sweet Wall en 1970. Non. Le mur, surtout tel que vous l'analysez, est un support, un mode d'expression, un mode d'inspiration aussi. Mais le mur a un paradoxe sans nom, qu'il est là pour protéger, mais principalement, il isole. Oui, oui, tout à fait. Il isole et ensuite les... Il isole, c'est une protection. Et ce que vont faire les artistes, c'est aussi y faire face. Il y a cette performance magnifique de Deva Partum en 84 qui va s'installer, qui va poser toute nue avec des talons et qui va vraiment faire face à ce mur. Et il y a également d'autres performances, par exemple ce collectif de Weißstrich, la bande blanche, donc un collectif d'Est allemand, qui vont simplement, une idée très simple, peindre une ligne blanche sur les 43 kilomètres du mur intra-berlinois. Le souci, c'est que l'un des collaborateurs était un indicateur de la Stasi, donc il va dénoncer à la Stasi, et après ils vont être emprisonnés pendant un certain temps. Voilà, donc il y a des... C'est pas parce que le mur protège en un sens qu'il ne va rien se passer. C'est toute cette mobilité qui est fascinante et passionnante en esthétique. Ouais. Elisa Ganivet, quand vous regardez les autres murs qui existent aujourd'hui dans le monde, les principaux c'est entre les États-Unis et le Mexique, on parle entre Israël et la Palestine, est-ce que vous trouvez des éléments similaires à ce qui s'est passé avec le mur de Berlin? Alors similaires, oui, mais après il faut bien distinguer aussi les artistes qui sont autochtones, qui sont vraiment habitués au phénomène, ceux qui sont étrangers au phénomène et ceux qui sont issus de la diaspora. Mmh. Voilà. Qui est le créateur et est-ce que le mur est une expression spontanée? Oui, alors pour spontané, justement, est-ce qu'il y a un peu de problématique et éclairant à ce sujet? C'est, moi, je pense toujours à Banksy lorsqu'en 2005, il a fait sa première intervention où finalement, il rendait le mur beau, et c'est ce qui posait véritablement problème, puisque à donner une aura au mur, on rendait le mur beau, et c'est ce qui dérange fondamentalement, par exemple. Oui, parce que le mur qui est là pour bloquer d'un seul coup devient l'élément qui exprime la contestation. Merci beaucoup Elisa Ganivet pour cette esthétique du mur en géopolitique, et tout de suite nous retrouvons Anaïs Kien pour le journal de l'histoire. Anaïs Kien, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui dans le journal de l'histoire? Je vois que Donald et Birgit se rendent au pays des Inuits. Absolument. Nous avons tous suivi avec attention la crise diplomatique autour du Groenland la semaine dernière. Mais pour ceux qui étaient encore en vacances, je résume. Donald Trump a proposé de racheter le Danemark. La première ministre danoise a demandé s'il s'agissait d'une blague. Trump a insisté, une crise diplomatique s'est ouverte. Et pour finir, le président américain a annulé une visite officielle au cours de laquelle il devait rencontrer la reine Margaret. Fin de l'acte 4 d'une pièce qui dure, puisque les États-Unis ont déjà proposé 3 fois de racheter le Groenland. C'est l'occasion pour moi non pas de revenir sur des dimensions géostratégiques, mais d'évoquer les relations entre le Groenland et le Danemark, son propriétaire donc, grâce à la série européenne par excellence, Borgen. Alors, Anaïs, oui, c'est clair, le hasard fait bien les choses. Hein. Arte rediffuse à partir de jeudi la première saison de Borgen, donc série danoise, iconique, on peut le dire, qui met en scène à grand renfort de Walk and Talk, Birgit Nyborg, personnage de fiction. Alors, c'est un personnage qui est devenu l'incarnation, vraiment, on peut le dire, de la féminité européenne du pouvoir. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Elle est incarnée par Sais Babette Knudsen. Alors, dans l'épisode 4 de la première saison, la relation entre le Danemark et le Groenland est au cœur de l'intrigue. Pour poser l'ambiance, extrait d'une discussion fictive donc, entre Birgit Nyborg et Jens Bertelsen, président autonome du Groenland. Eh bien Jens, il faut que vous sachiez que ça me fait très plaisir d'être venu. Et je pense que nous pouvons ensemble finaliser cette affaire. Quoi ? Non, c'est rien. C'est parce que cette affaire a commencé il y a 300 ans, quand Ansage nous a colonisés. Et nous allons la finaliser en une heure, vous pensez? Je voulais évidemment parler de l'affaire de Thulé et de l'avion américain. Ah, celle-là. Oui, ça remonte seulement à 60 ans, quand le Danemark a déplacé une ville et ses habitants pour construire la base. Nous sommes aussi responsables d'avoir été colonisés. Ah, la question est là et le ton monte très vite. Effectivement, les relations sont très très tendues. Pour rappel, le Groenland a été colonisé par le Danemark il y a effectivement 3 siècles. Une autonomie politique progressive est négociée depuis les années 50, mais elle s'est accompagnée dans les années 60 et 70 d'un programme de modernisation qui s'incarnait principalement en une danisation à marche forcée. Le danois est devenu la langue officielle et les enseignants ont été remplacés par des danois pour s'assurer de l'acculturation de la population, reléguant l'identité autochtone à un folklore exotique et révolu. Ce paternalisme colonial a laissé de profondes blessures et a largement favorisé la formation d'un mouvement indépendantiste. Côté danois, cette relation de domination sur les Inuits a laissé quelques traces et cela n'a pas échappé aux scénaristes de Borgen. En témoigne cet échange entre le spin doctor de Birgit Nyborg, Kasper Juhl, et l'affreux Lippus Venoeus Altum, opposant politique conservateur et libéral de la première ministre. Il paraît que ta petite dame premier ministre boit le café en ce moment avec un Eskimo à qui on a fait de la peine. Je crois qu'il préfère qu'on les appelle Inuits. Ils sont incapables de se gérer. Les jeunes ne reçoivent aucune éducation. Ce sont des poivrons invétérés et ils abusent sexuellement de leurs enfants. Ah oui, alors les dialoguistes ont été forts, hein, parce qu'abuser sexuellement des enfants, c'est pas quelque chose qui se dit dans une série, normalement. N'est-ce pas ? Même si le viol est un véritable problème au Groenland, Borgen décrit un imaginaire colonial peut-être révolu, on ne peut que le souhaiter, mais les relations entre le Danemark et le Groenland restent délicates. Le Groenland a aujourd'hui le pouvoir de décider de son indépendance à tout moment, mais sans en avoir les moyens économiques. Les services publics y sont largement financés par le Danemark. Tandis que la présence politique du Danemark, membre fondateur de l'Union européenne, je le rappelle, dans l'espace arctique, est conditionnée par ses bonnes relations avec son ancienne colonie. L'avenir de la région arctique, qui attise tant de convoitises, les Chinois, les Russes, mais également les Américains, sera conditionné aussi par la capacité des deux États à réinventer leurs relations post-coloniales. À ce titre, cet épisode de Borgen est intitulé d'après un proverbe groenlandais « Quand on veut faire taire un fantôme, il grandit de plus belle ». C'est très beau comme proverbe. Alors pour voir Borgen, on peut regarder Arte ou le site d'Arte. Pour Donald Trump, vous conseillez quoi, Naïs? Pour profiter des offres commerciales de Donald Trump, n'hésitez pas à consulter son fil Twitter, Xavier. Merci beaucoup, Anaïs Kien. Voilà, c'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viude et Camille André. Merci à vous. Demain, nous continuons notre exploration de la RDA. Ce sera la RDA par elle-même.